Allô, Robert? Ouais. Ouais, il y a un jeune là, est en train de fumer une substance illicite. Qu'est-ce que je fais? Je m'en perds ça tout de suite. Ok, d'accord. Attends, il y en a d'autres qui arrivent vers la... Vers le magasin de Carglass, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont démolir la vitre, je crois. Qu'est-ce que je fais? Ramenez du renfort, s'il vous plaît. On arrive avec des renforts. Ok. UMP, 13 ans de galère, tu emmèneras la France droit au cimetière. UMP, 13 ans de galère, tu emmèneras la France droit au cimetière. France empire, pire, pire, elle est devenue un empire. Depuis toujours, la France empire. Aujourd'hui c'est pire, pire, elle est devenue un empire. UMP, 13 ans de galère.